J'imagine qu'il y en a beaucoup entre vous, ben, parmi vous, qui vont beaucoup de rêves ces temps-ci. Ben, c'est normal, ça devrait s'accentuer jusque vers cet automne-là. Ça devrait s'atténuer un petit peu à partir du début de l'hiver. C'est normal, c'est lié à des cycles, si on peut dire, dans l'année. À partir là, du solstice d'été, la lumière diminue, mais l'activité psychique augmente. Ça atteint son apogée vers la Toussaint d'habitude, puis après, ça se calme au début de l'hiver. Donc,